بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للأنام نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بإذن الله تبارك وتعالى نكونتينيو dans la lecture du livre Usulu ad-Da'wati Salafiyya, les fondements de la prédication salafie, de la da'wah des pieux prédécesseurs, de Cheikh Abdussalam Ibn Birgis Ali Abdul Karim, Allah lui fasse miséricorde. Alors aujourd'hui, nous allons voir le premier fondement, Al-Aslul Awwal. Alors le premier fondement que le Cheikh Abdussalam il a mentionné ici, Al-Ihtimamu wal-Inayatu bi talab al-ilm al-shar'i وتفقه في الدين. الاهتمام ici c'est donner de l'importance. والعناية في طلب العلم. Donner de l'importance à l'étude de la science légiférée et chercher la compréhension dans la religion. Alors c'est le premier fondement qu'il a mentionné ici. Parmi les usul de la da'wah salafiyya, parmi les fondements de la prédication salafie. Alors le Cheikh Abdussalam il dit: fi hini anna kathira min al-jama'at al-islamiyya al-yawma munfalitatun an al-ilm al-shar'i. Dans le moment où beaucoup de groupes islamiques actuels se sont déconnectés de la science légiférée. Wa fi hin anna kaseer min atba'i tilka al-jama'at munfalituna 'an al-'ilm al-shar'i. Et dans un moment où beaucoup parmi ceux qui suivent ces groupes se sont déconnectés de la richesse de la science. Si on regarde la majorité des jama'at, masalan les ikhwan al-muslimin, la yahtamuna bil-ilm al-shar'i, ils ne donnent pas de l'importance à la recherche de la science légiférée. Au contraire, ils tournent le regard des gens vers fiqh al-waqi, connaître l'actualité, savoir ce qui se passe dans le monde en regardant Al-Iza'at, Al-Gharbiya, Al-Kafira, les chaînes européennes et les chaînes mécréantes. Occuper les musulmans au maximum à cela et les détourner de la recherche de la science islamique. Pendant que ces groupes-là, ils se sont déconnectés de la recherche de la science. On parle de quel groupe? Les Hizbiyoun, tous ceux qui sont dans le sectarisme, tous ceux qui sont détachés de la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ils tournent le regard de leurs suiveurs vers d'autres choses, mais pas la science. Pendant ce moment, فَإِنَّ الدَّعْوَةِ السَّلَفِيَّةِ تُولِي طَلَبِ الْعِلْمِ الشَّرَعِي أَهْمِيَّةً كَبِيرًا. La da'wah salafiyya accorde à la recherche de la science légiférée une grande importance. Idh huwa ar-rakizatu wal-asas al-matin, car c'est la base et le fondement solide, alladhi taqumu alayhi al-hayat, ce sur quoi la vie se base. Fa bina'u al-fard la construction des particuliers, Fabinaw Mujtama, et de la population, la Yakuman ne se dressera, wa la yaslihan et ne sera bien illa bil ilm shar'i, que par la science légiférée. Walisa, c'est pour cela, fa inna Allah subhanahu wa ta'ala amara nabiyahu Muhammadan. Allah a ordonné à son prophète Muhammad bil ilm qabla al qawli wal amal. Il a ordonné la science avant la parole et la mise en pratique. Allah dit, fa'alam annahu la ilaha illallah wa astaghfir li dhanbika wa lil mu'minin. Allah dit au prophète Muhammad, sache qu'il n'y a point de divinité qui mérite l'adoration. En toute vérité, ce n'est qu'Allah. Sache ici, apprends et connais. Wa astaghfir li dhanbik, et demande le pardon pour ton péché, wa lil mu'minin, ainsi que pour les croyants. Alors le Cheikh Abdou Salam, il dit, wa nahnu innama ja'alna al-ilma bidayat al-usul. Il dit, nous n'avons mis la science comme le début des fondements, li anna subula kaseera, les voies sont nombreuses, wa kulluha subul matahat, et toutes les voies sont des voies confuses, illa sabilu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, sauf la voie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Comme Allah dit, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili. Et voici ma voix dans toute sa rectitude, suivez-la et ne suivez pas les voies qui vous détacheront de la voie d'Allah. Wa la sabil illa ila suluki sabili sunna illa bil ilm. Il n'y a aucune voie qui va mener à emprunter la voie de la sunna si ce n'est que par la science. Alladhi yakshifu al-haqa'iq, qui va dévoiler les réalités, wa yuniru tariq, éclairer la voie. Wa lidhalika qala Allah, c'est pour cela que Allah dit, qul hadhihi sabili, dit Muhammad, voici ma voie. Qul ya Muhammad, hadhihi sabili, voici ma voie. Ad'u ila Allah, j'appelle à Allah, ala basiratin, me basant sur une clairvoyance, ana wa man ittaba'ani, moi et ceux qui me suivent. Fa qawluhu, sa parole, ala basiratin, c'est-à-dire ala burhanin wa hujjatin wa huma al-ilm an-nafi', me basant sur l'argument et la preuve, et ces deux sont la science bénéfique. Voici la seule voie que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a tracée pour sa communauté. Al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. La science avant la parole et la mise en pratique. Et il a dit, Allah a dit à son messager de dire, قل يا محمد هذه سبيلي, voici ma voie. Si tu veux suivre la voie du messager d'Allah صلى الله عليه وسلم, la Bouddha, أن تكون على علم, il faut que tu sois sur la science. Il faut que tu apprennes la science shara'i. Tu te bases sur cette science là et tu appelles vers cela avec علم. Et c'est ça la da'wah salafia. Contrairement aux autres da'wah, aux autres prédications qui sont basées soit sur az-zawq ou al-wajd, sur les sentiments, les émotions, placer des gens en avant, sans se baser sur le Coran et la Sunna, occuper les gens à ce qui est moins important vers ce qui est plus important. Voici les autres da'wah. Masalan, si tu vas chez les Ikhwan, tu verras fil zahir qu'ils accordent de l'importance à la science, dans ce qui est apparent, parce qu'ils ont les marakis, les tahfiz et autres. Lakin, ils occupent les gens à ce qui est moins important, en délaissant ce qui est le plus important. Tu vas le trouver chez les Ikhwan qui donnent plus d'importance au ilm tajwid, la science du tajwid. Une personne peut faire pratiquement 10 ans en train d'apprendre la science du tajwid. Il quitte dans Tohfat al-Atfal, il va dans Jazariya, il va dans d'autres livres. Juste pour maîtriser l'ilm tajwid. Ensuite, ils vont aller vers l'ilm riwayat. L'ilm riwayat, tu vas connaître d'abord Warsh, ou bien d'abord Hafs, ou bien après Hafs, Warsh. Après Warsh, tu vas le connaître Qaloun, Shouba, d'autres riwayat, en t'occupant à cela jusqu'à ce qu'il te donne Ijaza. Tu penses que tu as la science. Wa anta sifrun fil aqida. Tu es zéro dans l'aqida. Dans la croyance, tu es zéro dans le manhaj. Voilà ce à quoi ils occupent les gens. Alors que la voix du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il appelle ila Allah. Ma mana ad'u ila Allah, ad'u ila tawhid. Appeler à Allah, c'est appeler à son unicité. Appeler à son adoration seule. À la basirati, avec science, en défendant cette aqida. C'est la dawa du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah nous accorde la compréhension. Yaqulu l'imam Ahmad. L'imam Ahmad, il dit, rahimahullah, annasu ila ta'allum l'ilm, ahwaj minhum ila ta'am wa sharab. Il dit, les gens ont besoin de l'apprentissage de la science plus que leur besoin à la nourriture et la boisson. لأن الرجل يحتاج إلى الطعام والشراب في اليوم مرة أو مرتين. Car l'homme a besoin de la nourriture dans la journée une et deux fois. C'est ce qui était connu à leur époque. وحاجته إلى العلم. Alors que son besoin de la science بعدد أنفاسه. C'est au nombre de sa respiration. Il a besoin de la science à tout moment. Wa mimma yanbaghi an yu'lam anna talab al-'ilm qisman. Alors de ce qui est incombe de connaître, c'est que l'étude de la science est de deux catégories. Fardun 'ala kulli ahad, une obligation sur chaque musulman. Fardu kifaya, une obligation sur certains musulmans. Amma al-awwal, quant au premier, fa huwa alladhi yaqulu fihi Sheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab kama fil usul al-thalatha. Le premier qui est l'obligation sur tout musulman, c'est ce que dit le Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab dans l'introduction des trois fondements. Il dit quoi? I'lam rahimakallah annahu yajib alayna ta'allum arba'i مسائل الأولى العلم فهو معرفة الله ومعرفة النبي ومعرفة الدين الإسلام بالأدلة. Alors ici, c'est ce que dit le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab dans le début de son livre Les Trois Fondements. Il dit, sache qu'Allah te fasse miséricorde, qu'il est obligatoire sur nous d'apprendre quatre choses. La première des choses, c'est la science. Et il va catégoriser cela en trois catégories. La connaissance d'Allah, de son messager et de la religion de l'islam par les preuves. Voici ce qui est obligatoire sur tout musulman. وَقَدْ بَيَّنَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمُسْلِمِ أَنْ يَتَعَلَّمَ. L'imam Ahmad a clarifié ce qui est obligatoire sur le musulman d'apprendre. فقال, il a dit, يَجِبُ أَنْ يَطْلُبَ مِنَ الْعِلْمِ مَا يَقُومُ بِهِ دِينُ. Il dit, il est obligatoire pour lui d'apprendre de la science ce qui va dresser sa religion. قِيلَ لَهُ مِثْلُ أَيْشَيْهِ. On lui a posé la question, comme quoi? قَالْ أَلَّذِي لَا يَسَعُهُ جَهْلُ. Ce dont il ne peut pas être ignorant de cela. Comme par exemple, salatuhu, sa prière, wa siyamuhu, son jeûne, wa nahu zalik, et autre que cela. Falizalika yajibu ala l'insan, an ya'amala bihi, et falizalika yajibu ala l'insan, ce qui est obligatoire sur l'être humain, an ya'amala bihi, de mettre en pratique, ka usul l'iman, comme les fondements de la foi, wa shara'i l'islam, les rites de l'islam وما يجب اجتنابه ce qui est obligatoire pour lui de s'en écarter من المحرمات parmi les interdits وما يباح et ce qui est autorisé أو ما يحتاج إليه في المعاملات ou ce dont il a besoin dans les interactions ونحو ذلك et autre que cela يجب أن يكون الإنسان عالما به l'être humain c'est obligatoire qu'il connaisse cela وسؤال أهل العلم et poser la question aux gens de science من العلم de la science فمن سأل أهل العلم فقد استنار لدينه celui qui pose la question aux gens de science alors il s'est éclairé dans sa religion وفعل ما يجب عليه et il a fait ce qui est obligatoire sur lui يقول الله سبحانه وتعالى Allah il dit فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون posez la question aux gens de science si vous ne savez pas بالبينات والزبر des clarifications ainsi que ce qui concerne les livres فهذا هو طلب العلم voici l'étude de la science allez هو فريضة على كل مسلم qui est obligatoire sur tout musulman de connaître. وأما الثاني quant au deuxième وهو فرض كفاية من العلم c'est l'obligation commune de la science فهو ما دون ذلك c'est ce qui est en dehors de cela والاشتغال به أفضل من الاشتغال s'occuper à cette science qui est فرض كفاية c'est meilleur que s'occuper des nawafil al-ibadat, des actions surrogatoires parmi les adorations à la sahih min aqwal ahl al-ilm, de ce qui est authentique de la parole des gens de science. Kama warada an al-imam Ahmad annahu qala ta'allum al-ilm wa ta'alimu afdal min al-jihad wa ghayrihi mimma yutatawwa'u bih. L'imam Ahmad il dit cela. Il dit l'apprentissage de la science et enseigner la science est meilleur que le djihad et autre que cela parmi les actions surrogatoires. Allahu Akbar. Et le cheikh Abdou Salam il dit wa nahnu qad adrakna ba'd kibar as-sin bi baladina. Et nous avons vu certains hommes âgés, certaines personnes âgées dans notre pays. من العامة parmi le commun des musulmans يحفظون بعض متون العقيدة ils mémorisent certains متون certains textes de l'عقيدة des gens âgés des personnes âgées كالأصول ثلاثة comme أصول ثلاثة كشف الشبهات كتاب التوحيد ويحفظون آداب الماشي إلى الصلاة ils mémorisent aussi آداب الماشي comportement de celui qui emprunte la voie vers la prière de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab wa kullu hadha min asar da'wat al-Imam Mohammed ibn Abdul Rahim Allah wa barakatuh tout cela fait partie des effets de la da'wa de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab et de sa bénédiction wa qad qarrara al-Imam Saoud ibn Abdul Aziz al-Awwal le premier imam Saoud l'autorité Saoud ibn Abdul Aziz le premier wa al-Imam Faisal ibn Turki Imam Faisal ibn Turki, qui sont les autorités, les premières autorités de Mamlaka, dira Sata'adir Kutub. Il a prouvé l'enseignement de ses livres à la Jami'il Masajid Daulati Saoudiya. Que ces livres sont enseignés dans toutes les mosquées du royaume de l'Arabie Saoudite. Fahafizah Allah, qu'Allah préserve ce royaume. Walillahi alhamd. La louange appartient à Allah. Al-kibar wa sigor, al-amma wa talabat al-ilm. Les hommes âgés, les enfants, le commun des musulmans, les étudiants en sciences. Kama yorafu zalika kassir mimman ta'na bi hadhihi al-akhbar. Comme connaît beaucoup de ce qu'on a mentionné, plus que cela, ceux qui ont donné de l'importance à connaître ces informations. Wa kassir min kibar as-sin al-mawjoudin al-an. Beaucoup parmi les hommes âgés présents aujourd'hui, ils donnent de l'importance à l'étude de la science. هذا يقول الشيخ بدون العلم لا تقوم الدعوة السلفية. Sans la science, la da'wah salafia ne sera pas dressée. Des personnes âgées, des enfants, tout le monde, ils doivent apprendre les moutons de l'aqida. Usul al-salasa, qawaid al-arba, nawaqid islam, kashf al-shubuhat. Tous ces petits livrets-là, ils doivent mémoriser, comprendre. Taïf, et celui qui arrive à mémoriser seulement usul al-salasa et comprendre, il a compris la religion dans l'ensemble de manière résumée. Car la religion, c'est quoi? Ma'rifatullah, la connaissance d'Allah. Ma'rifatun nabiyyihi, la connaissance de son prophète. Wa ma'rifatun dini l'islam bil adilla, et connaître la religion de l'islam avec ses preuves. Et c'est ce sur quoi usul al-salasa est basé. Les trois fondements. Alors regardez ici la baraka de la dawa de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah. C'est que dans Mamlaka, le roi, c'est-à-dire les deux rois, Saoud ibn Abdul Aziz al-Awwal et puis Faisal ibn Turki, qarraru zalika. Ils ont approuvé et ils ont même instauré l'apprentissage de ces livres dans toutes les mosquées du royaume. Allahu Akbar. Voici ce balade, ce mamlaka, que les Rouen critiquent nuit et jour. Ils passent leur temps à dénigrer. Alors que eux-mêmes, dans les pays où ils sont, c'est rempli de bid'ah, de khurafa, de ilhad. Mais yatrukuna haza. Ils se dirigent vers Bilad al-Saoudia. Alors que Bilad al-Saoudia, comme a parlé Al-Malik Abdul Aziz, il a dit Biladuna al-Saoudia, mamlaka, mabniyun ala aqidat al-Salafiyya. Il dit notre pays, qui est mamlaka de l'Arabie al-Saoudia, est basé sur la aqidatu salafiyya, wa nahnu salafiyoun, nous sommes des salafis. Wa la hazahum, jusqu'aujourd'hui, dans le monde entier, les gens ont commencé à découvrir la da'watu salafiyya, ont commencé à apprendre la aqida, kitabu tawhid, kullu haza bi barakati hazil mamlaka. Tout cela par la bénédiction de ce mamlaka. Si ce mamlaka descend et tombe, où les musulmans vont se diriger? Ce sont les ennemis de l'islam qui sont derrière ça. Wahada wasirul wahid. Voici le seul secret fi baqa hadhi bilad, qui a fait que ces pays sont restés, c'est-à-dire mamlaka est resté naqiyatan pur min adran al bid'a, des déchets, des innovations. Écoutez bien cela. Si le commun des musulmans n'avait pas la science concernant l'aqida, la fasha fi mushay min al-bid'a, beaucoup d'innovations allaient se propager en eux, wa shirkiyat, et le shirk, walakinna al-ilm, mais la science, hisnun hasin, c'est une protection, wa dir'un matin, et c'est une armure solide. وَمَنْ تَحَصَّنَ بِهِ, celui qui se protège par la science, وَقِيَ شَرًّا كَثِيرًا, il sera protégé de beaucoup de mal. Car ils connaissent l'aqida. Masalan, le commun des musulmans qui connaissent l'aqida, même lorsque les ennemis envoient certains afkars, essaient de les pousser à sortir de leur aqida, ils restent fermes sur leur aqida, leur croyance. Parce qu'ils connaissent. Ils connaissent la croyance. C'est ça la da'watu salafiyya. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a été envoyé au début à Mecca, il enseignait la aqida à ses compagnons. Il a enseigné la aqida. Même les sourds qui ont été révélés à Mecca, ce sont les sourds qui parlent de la aqida de l'islam. Ce sont les sourds qui parlent de la croyance islamique. Voyez. Alors la voie par laquelle on obtient la science, yasubu an nuhaddidaha, Ça serait difficile qu'on précise, c'est-à-dire on cite, بِحَيْسُ إِنَّ كُلَّ شَخْصْ يَكُونُ مُلْزِمًا بِتِبَعِهَا. Par le fait qu'on dise, chaque personne doit forcément suivre cela. Ça serait difficile qu'on cite de cette manière. Voilà qu'il n'a أَحْسَنُ طُرُقْ. Mais la meilleure des voies, فِي نَظَرِنَا. Dans notre vision, هِيَ مَا كَنَا عَلَيْهِ أُنَا. C'est sur quoi étaient nos savants. رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ. Qu'Allah le fasse tous miséricorde. وفي هذا يقول الشيخ العلامة عبد الرحمن بن سعدي. C'est en cela que dit le Cheikh العلامة عبد الرحمن بن سعدي كما في فتاوي. Comme cela se trouve dans ses fatawa, ses réponses qu'il a données. وتعيين ما يشتغل به. Alors, préciser ce dont l'étudiant en science, yani طالب العلم, doit accorder de l'importance et doit s'occuper. من الكتب, parmi les livres. يختلف باختلاف الأحوال والبلدان. Ça diverge selon les situations et les pays. والحالة التقريبية في نظرنا. Mais la situation approximative, selon nous, أن يجتهد طالب العلم في حفظ مقررات الفن. L'étudiant en sciences doit faire l'effort de mémoriser les tests qui sont approuvés dans une branche. الذي يشتغل به, dont il s'occupe. Par exemple, si on lit dans la Aqida, quels sont les moutons? Usulu Salasa, Khawaid al-Arba, Kitab al-Tawhid, et puis Aqidat al-Wasitiyya. Et les livres qui sont là, il doit faire l'effort de mémoriser ces moutons et ensuite maintenant écouter les shuruhat, les explications des savants pour mieux comprendre ces moutons. Toyib, maintenant, dans le fiqh, il va mémoriser certains livres tels que Dalil al-Talib et autres comme le Cheikh qui va dire ici. C'est-à-dire, il doit faire l'effort de mémoriser dans chaque branche un test. Fayyib, fayyinda azzara. Mais si cela est difficile pour lui, aw qasra alayhi hifzu lafzan, ou bien cela est difficile, c'est-à-dire pour lui de mémoriser les mots, falyukarrir kaseeran, falyukarrirhu, qu'il répète la partie beaucoup de fois, hatta tarsaqa ma'anihi fi qalbi, jusqu'à ce que ses sens soient enracinés dans son cœur. Summa takunu baqi al-kutub al-fan kat-tawdih. Et ensuite, les restes des livres dans la branche deviennent comme un éclaircissement pour lui, wa tafsir, et une explication. Lidhalika al-asl ladhi adrakahu wa 'arafahu. Falaw hafiz at-talib. Donc c'est pour ce fondement dont il a connu. Si l'étudiant en science, falaw hafiz at-talib al-aqidat al-wasatiyya. Si l'étudiant en science mémorise l'aqidat al-wasatiyya de Cheikh Islam Ibn Taymiyyah, il mémorise usul al-salasa, il mémorise kitab al-tawhid, tayyib, de Cheikh Mohammed ibn Abd al-Wahhab, alors la kafa, usul al-salasa, ça c'est dans tawhid al-ibadah. Kitab al-Tawhid, Tawhid al-Ibadah. Aqidat al-Wasitiyya, Tawhid asma'i wa sifat. Wa aydun fil ibadah. S'il a mémorisé ses kutub, alors cela va le suffire. Ensuite, il écoute les explications et les autres livres qui viennent maintenant, ça devient comme un éclaircissement pour lui. Toyib. Ensuite, dans le fiqh, Mukhtasar al-Dalil. C'est-à-dire Dalil al-Talib. Il mémorise cela. Il mémorise aussi Mukhtasar al-Muqni', qui est Zad. Wa fil hadith, il mémorise Bulugh al-Maram. Il mémorise tout Bulugh al-Maram. Bulugh al-Maram rassemble des hadiths dans chaque chapitre de la religion. Bulugh al-Maram, de Hafiz ibn Hajar al-Asqalani. Il peut aussi mémoriser Umdat al-Ahkam. Le Cheikh n'a pas mentionné ici. Mais Umdat al-Ahkam, beaucoup de savants conseillent cela avant Bulugh al-Maram. Tayyib. Wa fi nahwi. Dans le Nahwu, il mémorise Al-Ajurumiyya. Wa shahada fi fahmi hadhi al-mutun. Et il fait l'effort de comprendre ces moutons. Wa raja alayha ma tayassara min shuruhiha. Il revient à ce qui est facile pour lui parmi les explications de ce livre. Ou kutub fanniha, ou bien les livres dans la même branche, fa innaha ka sharhi laha. Ça sera comme une explication. لأن طالب العلم إذا حفظ الأصول صار له ملكة تامة. Car l'étudiant en science, s'il mémorise les fondements, alors il aura une acquisition complète fi ma'rifatiha dans sa connaissance. وهانت عليه كتب الفن كلها. Et tous les livres de la branche seront faciles pour lui. الصغار والكبار. Les petits livres et les gros livres. ومن ضيع الأصول حرم الوصول. Celui qui néglige les fondements, il sera empêché d'arriver à la fin de son objectif. فَمَنْ حَرَصَ عَلَى هَذِي الْعُلُومِ النَّافِعِ Celui qui accorde de l'importance à ces sciences bénéfiques, وَاسْتَعَانَ بِاللَّهِ Et il demande l'aide d'Allah, عَانَهُ Allah va l'aider, وَبَارَكَ لَهُ فِي عِلْمِهِ Et Allah va lui accorder la bénédiction dans sa science. وَمَنْ سَلَكَ فِي طَلَبِهِ لِلْعِلْمِ غَيْرِ الطَّرِيقِ النَّافِعِ Celui qui emprunte dans sa recherche de la science une autre voie que la voie profitable, فاتت عليه الأوقات il va perdre beaucoup de temps ولم يدرك إلا العناء et il ne va avoir que la fatigue dans cela كما هو معروف بالتجربة والمشاهدة comme cela est connu dans de l'expérience انتهى كلامه fin de citation de la parole du Cheikh Abdurrahman ibn Nasir al-Sa'di. Alors ici le premier fondement de la da'wah salafia c'est quoi? Al-ihtimam bi talab al-ilm. Al-inayatu bi talab al-ilm. Alors al-salafi allazi la yata'allam lan yaquma ala hadha al-manhaj. Le salafi qui n'apprend pas, il ne sera pas dressé sur ce manhaj. ولكن ابتلينا بأناس on a été éprouvé par des gens لا يتعلمون ينتسبون إلى هذه الدعوة المباركة ils s'affilient à cette dawa bénie mais partout où on parle de majlis de science on parle pas seulement de va écouter un cours partout où on dit venez on va mémoriser les tests les moutons comme ce que nous organisons ici Là, Taraouna, tu ne les vois pas. Ils ne viennent pas. Is'alou, al-hafidho. Demande ici la mémorisée, yakoulou, annahu lam yahfaz. Salafi, la yahfaz moutoun al-aqida. Ils ne mémorisent pas les tests de l'aqida ou ils ne cherchent pas à comprendre. Ahoua salafi, haza ou min, aslun min usuri dawati salafiya. C'est un fondement parmi les fondements de la da'wah salafia, al-ihtimam wal-inayat bi talab al-ilm. Donner de l'importance, car c'est ce qui va te rendre ferme. Si les mashaykh te disent, as-sabatu sabat, ala maza nasbut. Si te disent, restez ferme, restez ferme. On va rester ferme sur quoi? Sur qui la waqal? On va rester ferme sur quoi? Si al-iddia, les prétentions, on va rester ferme sur la science que nous apprenons. C'est dans cette thèse de Moutoun de Aqida qu'on apprend les règles du manhaj salafi. Qu'on apprend les règles du manhaj de nos pieux prédécesseurs. C'est dans cela qu'on va comprendre. Donc le salafi, la Bouddha Yata'allam, il faut qu'il apprenne. Les savants, que ce soit les savants qui ont passé et les savants contemporains, ils ont défendu la dawa salafia avec quoi? Avec la science. Toyib, pendant ce temps, toi tu te promènes en ville, tu écris sur ta page Abdullah al-Salafi, ensuite tu écris, hein, toi tu es salafi, radiba man radi wa radiya man radi. Hein? C'est salafi, si vous voulez, soyez d'accord. Si vous voulez, ne soyez pas d'accord. La yata'allam. Innama huwa ala Facebook, faqat. Il est sur Facebook, il est sur les réseaux sociaux. Il rentre dans toutes les fitnas. Salafi. Qu'Allah nous préserve. As-salafiyyatu mabniyyatun ala al-ilm. La salafiyya est basée sur la science. هذا هو الأصل الأول. الأصل الثاني، le deuxième fondement de la da'wah salafia، الحرص على التطبيق العملي للإسلام. Faire l'effort de mettre en pratique l'islam. Tadbir, de concrétiser al-amal, l'action de l'islam. Alors le cheikh Abdus Salam, il dit, هَذَا الْحِرْصُ يَشْمَلُ الْحِرْصَ عَلَى الْعَمَلْ بِالْوَاجِبَاتِ الشَّرْعِيَّةِ. Alors cet effort englobe ici l'effort de mettre en pratique les obligations de la sharia, de la législation, qu'as-salawatul khams, les cinq prières, wa birrul walidayn, être bienfaisant envers les deux parents, wa nahu zalik, et autre que cela. Qu'est-ce que le cheikh lui veut dire? Le salafi, il doit faire l'effort de mettre en pratique la science. Par cela, il va éduquer ceux qui sont auprès de lui. Il va s'éduquer aussi. Parce que lorsque tu prends la biographie de ceux que tu prétends suivre, c'est des gens, quand tu prends leur biographie, tu as l'impression que c'est des robots. C'est des gens, ils passent d'une action à une autre, d'autres même. Suivez la biographie de nos salafs salih, l'imam Abdul Ghani al-Maqdisi, l'imam Ahmad ibn Hanbal, كان يصلي أكثر من 100 ركعة في يوم. Il priait plus de 100 rakats par jour. C'est ça, non? Tu poses la question. Mais la rawatib, tu diras, les rawatib, c'est 12 rakats dans la journée. Mais lui, il priait plus que cela. Tatawwa'a. Voyez? Les salafs, كانوا يجتهدون في العلم. كانوا يجتهدون في العبادة. Ils donnaient beaucoup d'importance à l'adoration. كانوا يقرؤون القرآن ليل نهار. هؤلاء السلف. C'est cela les salafs. Les salafs n'étaient pas paresseux. Les salafs ne rentraient pas dans قيل وقال. الحرص على تطبيق العمل للإسلام هذا هو منهج السلف. Fais l'effort de mettre en pratique la science. Alors voici le manhaj des salafs. كما يشمل ايضا الحرص على عمل بالسنة. Cela aussi englobe le fait de faire l'effort à mettre en pratique la sunna. وإحيائها بين الناس, et faire revivre la sunna parmi les gens. ما استطاع المسلم الى ذلك السبيل, tant qu'il a la capacité. كالنوافل, tel que les nawafil, hein, les rawatib. والوتر, la prière de witr. وقيام الليل, la prière de nuit. وصيام التطوع, jeûner les jours surrogatoires. والإنفاق, dépenser. ونحوه أيضا, et autre que cela. يحرص على القيام به, il fait l'effort de mettre cela en pratique. Il fait l'effort de mettre tout cela en pratique. لأنه يتبع السلف, et les salaf appeler les gens avec leur bouche et leurs actions. Au manhaj de Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Anta salafi fi makanin. Tu es un salafi dans un endroit. Anta tamtasilu al-Rasoul. Tu représentes le messager d'Allah dans cet endroit-là. Mais tu vas aller trouver des innovateurs. A'badu min. Ils adorent Allah plus que toi. Ils sont plus sérieux. Toi, tu es dans la riba. Hein? Il y a des salafis. Mais il y a un tant qu'ils s'asseyent, même la vraie munharifan, même si la personne est égarée, ils vont s'asseoir, ils vont critiquer la personne. Telle personne, ouais, il est égaré, il est tant. Alors qu'on a déjà clarifié son cas. Les gens, ils savent, vous-même, dans l'assise, vous tous, vous savez qu'il est munharif. Mais pourquoi venir parler encore de lui, jusqu'à aller rentrer dans sa famille? Ah, manhaj salafi? Est-ce que c'est le manhaj salafi, ça? Là. La Bouddha Minhag. Yakulu Abu Abdurrahman al-Sulami. Abu Abdurrahman al-Sulami, il dit, Rahimahullah, حدثونا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن. Nous ont relaté ceux qui nous enseignaient le Coran, yani as-sahaba. Les sahaba nous ont dit, Abdurrahman as-Sulami, c'est un tabi'i. Annahum kanu yastaqri'una min rasulillah. Il dit, les sahaba disent qu'ils apprenaient le Coran avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Fakanu iza ta'allamu 10 ayatin. Et ils disent que lorsqu'ils apprenaient 10 versets, lam yukhallifuha, ils n'apprenaient pas d'autres, hatta ya'malu bima fiha min al-amal. Jusqu'à ce qu'ils mettaient en pratique ce qu'il y a dans ces deux versets qu'on mise en pratique. Qal, il dit, fata'allamna al-Qur'an wal-amala jami'an. Nous avons appris le Coran et la mise en pratique. Fahadha huwa manhaj salaf. Le Cheikh Abdus Salam il dit, voici le manhaj des salaf. Rahmatullah alayhim ajma'in. Que la miséricorde d'Allah soit sur eux tous. Yukrinuna l'ilm wa bil amal. Il joignait la science à la mise en pratique. لأن العمل بالعلم يخلص من الوعيد الشديد المترتب المترتب على ترك العمل الواجب car la mise en pratique va ici te sauver de la menace dure qui résulte sur le fait de délaisser la mise en pratique obligatoire comme Allah dit dans sa parole يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. Oh, vous qui avez cru, pourquoi dites-vous ce que vous ne faites pas? Kabura maktan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Alors c'est une abomination. C'est un grand péché de dire, c'est-à-dire auprès d'Allah de dire ce que vous ne faites pas. Wa li'anna al-'amal bil-'ilm fihi al-fakak an sifati al-mamkuta. Alors mettre en pratique la science, il y a en cela une description qui détache de la description mamkouta, blâmée, allati wasafa Allahu biha al-yahoud, dont Allah décrit les juifs dans sa parole. Il dit, masalu alladhina humilu at-taurat thumma lam yahmiluha. Il dit l'exemple de ceux qui ont porté, la Torah, c'est-à-dire qu'ils l'ont mémorisé, mais en réalité, ils ne l'ont pas mémorisé. Parce qu'ils n'ont pas mis en pratique. Kamasal al-himar. Ils sont comme l'âne, yahmilu asfar, qui porte des fardeaux. L'âne, ce qui est derrière son dos, est-ce qu'il sait? La yadri, ma huwa ala dhahri. Il ne sait pas ce qui est sur son dos. بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا. Comme sont pires des gens qui ont traité nos versets de mensonges. وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. Et Allah ne guide pas les gens qui sont injustes. Alors ici, وَفِي الْعَمَلِ بِالْعِلْمِ الْوُصُولِ إِلَى الْغَايَةِ الْمَنْشُودَةِ. Dans la mise en pratique de la science, il y a ce qui va te mener à l'objectif désiré. بِطَلَبِ الْعِلْمِ. Par l'étude de la science. C'est pour cela que Fudayl ibn Iyad il a dit, comme l'a rapporté Khatib al-Baghdadi, fi iqda' al-ilm wal-amal, dans le besoin de la science, de l'action. Il a dit quoi, Fudayl ibn Iyad? Il dit, la yazalu al-alimu jahilan bima 'alima hatta ya'mal bihi. Il dit, le savant reste ignorant de ce qu'il a appris jusqu'à ce qu'il la mette en pratique. فَإِذَا عَمِلَ بِهِ كَانَ عَالِمًا. Si met maintenant sa science en pratique, il devient un savant. فَدَعْوَةُ السَّلَفِيَّةِ تُوْنَ بِهَذَا الْأَصْلِ. La da'wah salafiyah accorde de l'importance à ce fondement وَتَرْعَاهَا et donne du soin à cela. وَتَحُسُّ النَّاسَ عَلَى الْإِشْتِغَالِ بِهِ et incite les gens à donner de l'importance et à se s'occuper de cela. فَإِنَّ الْإِشْتِغَالِ بِالْعَمَلِ. Car s'occuper à la mise en pratique anfa'u min al-ishtighal bima la fa'idata fi. Alors c'est plus profitable que s'occuper à ce qu'il n'y a aucun bénéfice dedans, min kalam mubah, parmi les paroles autorisées wa nahw zalik. Et autre que cela. Alors le cheikh Abdou Salam il dit: "Falaw anna shababana waffaqahum Allah." Si nos jeunes, qu'Allah les accorde la conformité, qamu bi hadha al-asl haqq al-qiyam. Alors, ont mis en pratique et se sont dressés avec ce fondement d'une manière propre. La salimu min al-wukufi kassir min al-umur leti laysat min khasaisi. Ils seraient préservés de beaucoup de choses, de tomber dans beaucoup de choses qui ne sont pas des choses spécifiques à eux. Walati l'ishtigal biha mudayyatu lil-waqt. C'est donc s'occuper à cela va faire perdre le temps. Si les jeunes s'étaient occupés à la recherche de la science, à la mise en pratique, ils allaient laisser masalan al-ishtighal bi tatabbu'i siyasat. S'occuper à pister ce que les politiciens ont dit, ce que tel pays, il y a la guerre dans tel pays, il y a des frères salafis, Allahu musta'an. Tu as l'impression que lui-même il est en Palestine. Il te donne toutes les informations. Hein? Palestine a fait ça, l'État. Bon. Ces informations que tu as là, yuhzinuka, la boud. Ça va te rendre triste. La boud. Mais ma fa'idata anta alamaha. Quelle est la fa'ida? Qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que tu peux changer? Là. Mais si cet homme occupé à l'étude de la science, il n'aura pas le temps pour ça. Et ensuite, il va écouter des informations qui ne sont même pas vérifiées. Des chaînes kafira, qui sont les premiers dans la désinformation, qui donnent ce qu'ils veulent que tu entendes. Tu vas aller perdre ton temps dans cela. نصل الله العافية والسلامة وقد دعوتي إلى التفكر فيها لجميع الناس كم أبلي à réfléchir dans cela pour tous les gens ونحو ذلك فهذه الأمور وامثالها ليس لي إلى طالب العلم. Ces gens de choses là n'appartiennent pas à l'étudiant en science. وإنما هي من اختصاص ولاة الأمر. Cela sont des choses spécifiques à l'autorité. أو من يلوب, ou celui qui prend la place de l'autorité. وَلَمَّا اقْتَحَمَهَا فِئَامٌ مِنَ الشَّبَابِ. Mais lorsque un groupe de jeunes ont envahi cela, وَنَزَّلُوا أَنفُسَهُمْ مَزِّلَةَ وَلِيِّ الْأَمْرِ فِيهَا, et se sont mis à la place de l'autorité dans cela, بَانَ جَهْلُهُمْ, leur ignorance s'est mise dehors, وَظَهَرَ إِنْحِرَافُهُمْ, et leur déviance est apparue, وَخَرَجَ بَلَدُهُمْ فِي هَذِي الْقَدَايَا, et leur pays s'est sorti dans ces choses-là. لأنهم إنما يعتمدون على قصاصات الجرائد الأجنبية, car ils se basent sur des découpages d'informations, des revues étrangères, والإذاعات الكافرة, et des chaînes mécréantes, فيثقون بها, et ils font confiance en cela. الله المستعان. Ils mettent en pratique même leur religion. Dans votre religion, dans votre Coran, Allah dit: Ya ayyuhalladhina amanu, in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Al-fasik al-muslim, le musulman, muslim, fasik, s'il t'envoie une information, tu vérifies. Wa anta tasiku bil-kuffar. Toi, tu fais confiance aux mécréants. Tu vas t'asseoir devant France 24, tu écoutes. Ensuite, tu dis non, voici, voici. C'est ce qu'ils veulent que tu entendes. Ensuite, tahkum ala haza, ala l'ulama, tu juges les savants avec cela. Tu dis non, mais vous voyez ici, vous voyez que les savants ne parlent pas de cela, c'est qu'ils sont déconnectés de la réalité. Là, ils ne connaissent pas l'actualité. سلفي لا يقول هذا ولا مثل هذه الإذاعات فنكب المسلمين أصل بازان maintenant si ces gens d'information alors ils accusent maintenant les musulmans وأدخلوا في قلوبهم الرعب et ils ont fait rentrer la peur dans leur cœur وفرقوا شملهم ils ont divisé le rang des musulmans ومزقوا كلمتهم ils ont déchiré leurs paroles الله المستعان التي كانت مجتمعة cette parole qui était rassemblée وهذا الاعتماد على القصاصات c'est se baser sur les découpages d'informations وعلى الإذاعات الأجنبية sur les chaînes étrangères هو غاية ما عندهم ما يسمون et c'est ce qu'ils appellent أصول فقه الواقع les fondements de la connaissance de l'actualité. وَلَمَّا خَرَجَ عَلَيْنَا هَذَا التِّيَارُ الْجَدِيدِ lorsque est apparu sur nous ce courant, ce nouveau courant, جَنَا عَلَى الْعِلْمُ وَالْعَمَلِ cela a eu de l'impact sur la science et la mise en pratique. وَلِذَا فَإِنَّ الضَّعْفَ فِي الْعِلْمِ وَالْعَمَلِ يَبْدُو جَلِيًّا فِي شَبَابِ الْأُمَّةِ c'est pour cela la faiblesse dans la science et la mise en pratique est apparue clairement chez les jeunes de cette communauté. Le cheikh, il a dit cette parole il y a longtemps de cela. Et à cette époque, les gens se basaient seulement sur les informations dans les chaînes de télé, les télévisions, ils s'occupaient. D'autres battaient acheter des journaux pour lire. Là où est le cheikh Hayyan fi hadha zaman. Si le cheikh était vivant, aujourd'hui, qu'est-ce qui a occupé les jeunes salafis? Les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, ce n'est pas parce qu'ils vont écouter des prêches. D'autres même n'ont pas le temps pour ça. On fait des directs, ils ne les voient jamais. Mais, il a toute l'information de la Côte d'Ivoire. Les informations du Mali, du Burkina, de la Guinée, du Sénégal. Il sort même de l'Afrique. Il va chercher l'information en Europe, en Asie, en Amérique. Il est au courant du monde entier. Mais pose-lui la question sur le Masail Aqida. Il est ignorant, il ne connaît pas. Ces réseaux sociaux-là sont l'une des plus grandes fitnas de notre époque. Beaucoup de jeunes, là, ils ne peuvent même pas écouter un DAS complet. Parce que ces réseaux sociaux l'ont tellement habitué à regarder des contenus courts, des vidéos courtes. Donc, ils voient que c'est long. Même lorsqu'on envoie même des vidéos des savants de 10 minutes, ils disent, mais est-ce qu'on ne pouvait pas couper? Parce que c'est un peu long. Ah bon? C'est long. Oui, c'est un peu long. Si c'est moi, ce n'est pas facile que j'écoute les choses qui sont longues. 10 minutes. Allahu Akbar. Qu'Allah nous préserve. Amahaza yajlisu sa'at. Celui-là, il peut s'asseoir sa'at. Ça a été rapporté que certains de nos savants lisaient Sahih al-Bukhari fi majlisin wahid. Dans un seul majlis. D'autres, fi salas majalis. Donc toutes les journées, fil ilm wal amal. Hadha huwa al manhaj al salaf. Voici le manhaj des salaf. Toyib. Mais aujourd'hui, regardez, le cheikh ici parle de ceux qui s'occupent aux informations. Est-ce qu'aujourd'hui les gens ont le temps pour ça? Les gens vont regarder ce qui est haram sur les réseaux sociaux. Ils peuvent passer toute la journée en train de regarder ces choses-là. Mais tu lui demandes, Yahi, est-ce que tu étudies aujourd'hui? Il dit, Allah Musta'an, je n'ai pas le temps. Prends son téléphone, regarde tant d'écran. Facebook seulement, le temps d'écran. 4 heures, 5 heures. Mais il n'a pas le temps pour mémoriser un verset ou même deux versets du Coran. Ah, c'est mouchkila. Kabir. Alors qu'aujourd'hui, la science est tellement accessible. Tellement accessible. Tu n'as même pas besoin de te déplacer. Sur Telegram, il y a combien de directs de nos ulamas? Il y a combien de directs des prédicateurs al-Mansoukine, dignes de confiance? Ils envoient même les koutoubs en PDF et puis ensuite ils expliquent. Tu peux même rester dans ton magasin. Tu peux rester partout. Prends ton téléphone et suivre le DAS. Mais هذا الذي ضيع طلاب العلم السلفيون. C'est ce qui a fait perdre aujourd'hui les étudiants en sciences salafi. لا يشتغلون بالعلم. لا يشتغلون بالعمل. Et tu verras la majorité d'entre eux, wallahi, les plus négligents dans la mise en pratique de la science. Bal akoul, même la prière obligatoire. Souvent, ils ne viennent pas à la mosquée. L'imam, anta salafi? Nasallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah nous préserve. Alpha wajib ala shababina yattaqullah. Ce qui est obligatoire pour nos jeunes, c'est de craindre Allah fi anfusihim, en eux-mêmes. Wa an yashghalu anfusahum bima ya'udu alayhim bil fa'idati al'azima. Et qui s'occupe de ce qui va être profitable, ce qui va leur ramener le profit immense fi din wa dunya, dans la religion et dans la dunya. Quant à s'occuper de ce dont il n'y a aucun bénéfice, et le fait que l'être humain envahit sa propre personne, et ce qui n'est pas sa spécialité, c'est un malheur qui est grand. Et cela fait perdre à l'être humain la récompense et le bien, beaucoup de bien. Les jeunes doivent craindre Allah en eux-mêmes et qu'ils mettent en pratique ce qu'ils ont appris de la science jusqu'à ce qu'ils gagnent dinan wa dunya. Ils gagnent dans leur religion et dans les dunya. Nasallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah nous préserve et qu'Allah nous guide sans fin sur le droit chemin. On va se limiter à ces deux fondements pour aujourd'hui, inshallah. Le premier fondement qu'on a vu, al-ihtimamu bi talabil ilm. Retenez bien cela. Accordez de l'importance à la science. Apprenez la aqida, les mutun, mémorisez. Cherchez à comprendre les mutun. Apprenez le fiqh, les adab, tout cela, et mettez cela en pratique. Satakounouna, insha'Allah. Vous serez, insha'Allah, salafiyoun, haqiqiyoun. Vous serez des salafis réels. La salafia, ce n'est pas dans la bouche. La salafia, ce n'est pas la prétention. La salafia, c'est haqiqa. Non, c'est la réalité. Et la réalité, c'est dans l'apprentissage de la science et la mise en pratique de la science. Si tu lis Usul Salasa, le début de Usul Salasa, qu'est-ce que le Cheikh Mohammed ibn Abdullah rahimahullah il te dit? Il a dit les deux fondements qu'on a appris ici. Qu'est-ce qu'il a dit? I'lam rahimakallah annahu yajibu alayna ta'allumu arba'a masalih. Il dit, nous est obligatoire d'apprendre quatre sujets, quatre points. Il a dit quoi? Al-oula, al-ilm, la science. Et il va définir la science. Wa huwa ma'rifatullah, wa ma'rifatun nabiyyi, wa ma'rifatuddin islam bil-adilla, hadha huwa aslul awwal. Voici le premier fondement qu'on a vu. Al-ihtimamu bi talab al-ilm. Al-thani, le deuxième, al-amalu bihi. Ça, c'est le deuxième fondement qu'on a vu ici. Qui est al-ihtimam al-his wa al-tadbiq al-amali lil-islam, mettre en pratique l'islam. Wallahi, Si vous avez mis en pratique ces deux choses-là, vous serez des gourabas. Des gourabas, des gens étranges. C'est quitté où? D'une autre planète. هذا الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم بدا الاسلام غريبا وسيعود غريب ça serait étrange hein parce que tu vas mettre en pratique ce que les premiers ont mis en pratique la manière dont on les a vus comme étranges toi aussi tu seras vu de cette manière ستكون غريبا tu seras étrange parce que tu ne seras pas d'accord sur plein de choses avec les gens. Et en cela aussi, les gens vont voir que toi, tu crois que tu es mieux que les autres. Ainsi de suite. Il y aura beaucoup de ta'wilat. Et tu seras gharib parmi les gens. Allah nous préserve. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.